et in la fede. Elle est admirable ma chère, mais nous avons besoin de vous, oui nous avons besoin de vous, de vous, de vous, de vous, de vous, oui nous avons besoin de vous, de vous, de vous, de vous, de vous, oui nous avons besoin de vous, car nous l'avons, il faut respecter nous aimons, oui l'avons humblement. Quand il s'agit de tromperie, de tromperie, de tromperie, sur ma voix, dans les femmes, j'avais foi, et sous elle, mine de mer, on ne fait jamais rien de bien. Passons-nous jamais la dégâts, ça nous fait jamais rien de bien. Ne te fous pas de cette année, si fait, je suis de cette année. Ne te fous pas de cette année, si fait, je suis de cette année. C'est bon, mais non, je suis de cette année. Quand il s'agit de mon délire, il est toujours passé ma voix, dans les femmes, j'avais foi, et sous elle, mine de mer, on ne fait jamais rien de bien. Thank you.